Chapitre 46e, où la prédiction de Cagliostro s'accomplit. Le même jour, à une heure de l'après-midi, le greffier du Châtelet descendit avec 4 hommes armés dans la prison de M. de Favras et lui annonça qu'il allait paraître devant ses juges. M. de Favras avait été prévenu pendant la nuit de cette circonstance par Cagliostro et vers les 9 heures de la matinée par le sous-directeur du Châtelet. Le rapport général du procès avait commencé à 9h30 du matin et à 3h de l'après-midi durait encore. Depuis 9h du matin, la salle était encombrée de curieux qui s'y étaient entassés pour voir celui dont la sentence allait être prononcée. Nous disons celui dont la sentence allait être prononcée, attendu que personne ne doutait de la condamnation de l'accusé. Il y a, dans les conspirations politiques, de ces malheureux qui sont dévoués d'avance. On sent qu'il faut une victime expiatoire, et qu'ils sont fatalement désignés pour être cette victime. 40 juges étaient rangés en cercle au haut de la salle. Le président sous un dais, un tableau représentant Jésus crucifié derrière lui, et devant lui, à l'autre extrémité de la salle, le portrait du roi. Une haie de grenadiers nationaux garnissait le pourtour du prétoire, intérieurement et extérieurement. La porte était gardée par 4 hommes. À 15h15, les juges donnèrent l'ordre d'aller chercher l'accusé. Un détachement de 12 grenadiers qui, le fusil au pied, attendait cet ordre au milieu de la salle, se mit en marche. Dès lors, toutes les têtes, même celles des juges, se tournèrent vers la porte par laquelle M. de Favras devait entrer. Au bout de 10 minutes à peu près, on vit reparaître 4 grenadiers. Derrière eux marchait le marquis de Favras. Les 8 autres grenadiers le suivaient. Le prisonnier entra au milieu d'un de ces silences effrayants que s'affairent 2000 personnes entassées dans la même chambre quand apparaît enfin l'homme ou la chose qui est l'objet de l'attente générale. Sa physionomie était parfaitement calme. Sa toilette était faite avec le plus grand soin. Il portait un habit de soie brodé gris clair, une veste de satin blanc, une culotte pareille à l'habit, des bas de soie, des souliers à boucles et la croix de Saint-Louis à sa boutonnière. Il était surtout coiffé avec une rare coquetterie, poudré à blanc, et un cheveu ne dépassait point l'autre, disent, dans leur histoire de la Révolution, les deux amis de la liberté. Pendant le court espace de temps que mit M. de Favras à franchir l'intervalle qui s'étendait de la porte au banc des accusés, toutes les respirations demeurèrent suspendues. Quelques secondes s'écoulèrent entre l'arrivée de l'accusé et les premiers mots que lui adressa le président. Enfin, faisant de la main ce qui était inutile, le geste habituel au juge pour recommander le silence, « Qui êtes-vous ? » demanda le président d'une voix émue. « Je suis accusé et prisonnier, » répondit Favras avec le plus grand calme. « Comment vous nommez-vous ? » « Thomas Mailly, marquis de Favras. D'où êtes-vous ? De Blois. » Quel est votre état? Colonel au service du roi. Où demeurez-vous? Place royale, numéro 21. Quel âge avez-vous? 46 ans. Asseyez-vous. Le marquis obéit. Alors seulement, la respiration sembla revenir aux assistants. Il passa dans l'air comme un souffle terrible, comme un souffle de vengeance. L'accusé ne s'y trompa point. Il regarda autour de lui. Tous les yeux brillaient du feu de la haine. Tous les poings menaçaient. On sentait qu'il fallait une victime à ce peuple, aux mains duquel on venait d'arracher Ojard et Besenval, et qui demandait tous les jours, à grands cris, qu'on pendît, en effigie du moins, le prince de Lambesque. Au milieu de tous ces visages irrités, au milieu de tous ces regards flamboyants, l'accusé reconnut la figure calme et l'œil sympathique de son visiteur nocturne. Il le salua d'un geste imperceptible et continua sa revue. « Accusé, » dit le président, « tenez-vous prêt à répondre. » Favras s'inclina. « Je suis à vos ordres, monsieur le président, » dit-il. Alors commença un second interrogatoire que l'accusé soutint avec le même calme que le premier. Puis vint l'audition des témoins à charge. Favras, qui refusait de sauver sa vie par la fuite, voulait la défendre par la discussion. Il avait fait assigner 14 témoins à décharge. Les témoins à charge entendus, ils s'attendaient à voir venir les siens. lorsque tout à coup le président prononça ces paroles « Messieurs, les débats sont clos. »« Pardon, monsieur, » dit Favras, avec sa courtoisie habituelle. « Vous oubliez une chose. Il est vrai qu'elle est de peu d'importance. Vous oubliez de faire déposer les 14 témoins assignés à ma requête. » « La cour, répondit le président, a décidé qu'il ne serait point entendu. » Quelque chose comme un nuage passa sur le front de l'accusé, puis un éclair jaillit de ses yeux. « Je croyais être jugé par le Châtelet de Paris, » dit-il, « je me trompais. Je suis jugé à ce qu'il paraît, par l'Inquisition d'Espagne. « Emmenez l'accusé, » dit le président. Favras fut reconduit à sa prison. Son calme, sa courtoisie, son courage avait fait une certaine impression sur ceux des spectateurs qui étaient venus là sans préjugés. Mais il faut le dire, c'était le petit nombre. La retraite de Favras fut accompagnée de cris, de menaces, de huées. « Pas de grâce, pas de grâce !» criaient 500 voix sur son passage. Ces vociférations le suivirent de l'autre côté des portes de sa prison. Alors, comme se parlant à lui-même, « Voilà ce que c'est que de conspirer avec les princes » murmura-t-il. Aussitôt la sortie de l'accusé, les juges entrèrent en délibération. À son heure habituelle, Favras se coucha. Vers 1 heure du matin, on entra dans sa prison et on le réveilla. C'était le porte-clés Louis. Il avait pris le prétexte d'apporter au prisonnier une bouteille de vin de Bordeaux que celui-ci n'avait pas demandé. « Monsieur le marquis, lui dit-il, les juges prononcent en ce moment-ci votre jugement. »« Mon ami, dit Favras, « si c'est pour cela que tu m'as réveillé, tu pouvais me laisser dormir. »« Non, monsieur le marquis, je vous ai réveillé pour vous demander si vous n'avez rien à faire dire à la personne qui est venue vous visiter la nuit dernière. Rien. »« Réfléchissez, monsieur le marquis. Quand le jugement sera prononcé, vous serez gardé à vue. Et si puissante que soit cette personne-là, peut-être sa volonté sera-t-elle enchaînée par l'impossibilité. »« Merci, mon ami, dit Favras. Mais je n'ai rien à lui demander, ni maintenant, ni plus tard. » « Alors, dit le guichetier, j'ai le regret de vous avoir réveillé, mais vous l'eussiez été dans 1 heure. »« Si bien, dit Favras en souriant, qu'à ton avis, ce n'est point la peine que je me rendorme, n'est-ce pas ?»« Tenez, dit le porte-clés, jugez-en vous-même. » En effet, on entendait un grand bruit aux étages supérieurs. Des portes s'ouvraient et se refermaient, des crosses de fusil frappaient la terre. « Ah !» dit Favras, « et c'est pour moi toute cette rumeur. » « On vient vous lire votre jugement, monsieur le marquis. »« Diable ! Veillez à ce que monsieur le rapporteur me donne le temps de passer mes culottes. » Le guichetier, en effet, sortit et tira la porte derrière lui. Pendant ce temps, monsieur de Favras mit ses bas de soie, ses souliers à boucles et sa culotte. Il en était là de sa toilette lorsque la porte se rouvrit. Il ne jugea point à propos de la pousser plus loin et attendit. Il était vraiment beau. La tête rejetée en arrière, ses cheveux à moitié décoiffés, son jabot de dentelle ouvert sur sa poitrine. Au moment où le rapporteur entra, il rabattit le col de sa chemise sur ses épaules. « Vous le voyez, monsieur, » dit-il au rapporteur, « je vous attendais, et en tenue de combat. » Il passa la main sur son cou découvert, prêt à l'épée aristocratique ou au lacet roturier. « Parlez, monsieur, » dit-il, « je vous écoute. » Le rapporteur lut ou plutôt balbutia le jugement. Le marquis était condamné à mort. Il devait faire amende honorable devant Notre-Dame et ensuite être pendu en grève. Favras écouta toute cette lecture avec le plus grand calme et ne fronça pas même le sourcil à ce mot de pendu, mot aussi dur à l'oreille d'un gentilhomme. Seulement, après un moment de silence, regardant en face le rapporteur, « Oh, monsieur !» Je vous plains d'avoir été obligé de condamner un homme sur de pareilles preuves. » Le rapporteur éluda la réponse. « Monsieur, vous savez qu'il ne vous reste plus d'autre consolation que celle de la religion. »« Vous vous trompez, monsieur, » répondit le condamné. « Il me reste encore celle que je puise dans ma conscience. » Sur quoi, monsieur de Favras salua le rapporteur, qui n'ayant plus rien à faire près de lui se retira. Cependant, à la porte, il se retourna. « Voulez-vous que je vous envoie un confesseur ?» demanda-t-il au condamné. « Un confesseur de la main de ceux qui m'assassinent ? Non, monsieur. Il me serait suspect. Je vais bien vous livrer ma vie, mais je réserve mon salut. Je demande au curé de Saint-Paul. » 2 heures après, le vénérable ecclésiastique qui l'avait demandé était près de lui.